La fille de la sœur de Moïse n'a pas dévoilé ses relations de parenté avec Moïse. Elle n'est pas venue comme une diligence congolaise. Vous perdez tout. Voyez ça? Mais elle a gardé le secret de sa relation avec le bébé. Même la manière de poser la question. Un vrai juif, hein? Puis j'allais chercher la mère de cet enfant. Elle n'a pas posé une question bête comme ça. Voulez-vous que j'aille chercher une nourrice? Ça l'a été moi dans mon son bon à maillé. Alors, bah, c'était. N'a qu'un bagou de la bille de maman a été. Elle n'a pas dit, je connais sa mère. D'ailleurs, sa mère, c'est ma mère. Boubatouba, tu perdras tout. Tu perds des batailles, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il faut savoir gérer sa langue. Toi, femme mariée, même chose. Toi, femme mariée, même chose. Le secret est un pouvoir. Des fois, on est toujours là en bas parce que la langue. On ne sait pas quoi dire, quoi ne pas dire, ni comment dire. Et la nourrice aussi quand elle est arrivée. Donc, c'est comme une nourrice, quoi. Il vit encore. Quelle émotion! Il a contrôlé tout ça. A Saligane, tu bébé, vous voyez, vous voyez. Animé Moussala nourrice. Avoir du caractère. Il a accepté le rôle d'une nourrice. Pendant que sa propre fille lui avait bien chuchoté, c'est ton fils. Mais il n'a pas crié d'émotion pour sortir un secret. Alors, il a dit, je suis la nourrice, on m'a invité. Oui, nous acceptons. Vous êtes d'accord de le faire? Oui, je le ferai. Je vais le faire, ma princesse, ma chère, capitaine. Oui, je vais te donner un gros salaire. Hein? Fais-le correctement. On va le faire naturellement. Mais il a reçu un salaire. Esther, là-bas, chez les païens, n'avait pas dévoilé ses identités. Si elle avait dit qu'elle était juive, elle ne serait jamais devenue la reine, l'épouse du roi Assyros. Mounoko. Et c'est elle qui a bakanini, contrôle ce que tu dis. Le quoi là, et si ka bazala ki kuna bazaki ba ombo ba yuda, tamu yope ba ponaki, alotali moutata mongote ke ngayo, nazali moko na ba yuda, tse. Na bongo yope, yemba maloba, oza ou misa na mounoko. Toi, les secrets de ton mari, toute la vie de ton mari, est allé chez les voisins. Vous êtes des membres de l'église. Et tu veux vaincre. Mais au moment où tu as une victoire, à mon cher, tu vas vaincre quand? Mais au Colombe, tu tous les secrets. Oh, il est comme ça. Et mon mari, vraiment. Et mon mari, vraiment. Tu es en train de dire, tu parles là. Mais il ne va pas vaincre comme ça. On continue à la bongo. Contrôle ta bouche. Et les affaires de sa femme, auprès de ses amis, même les collègues de classe. Oh, on gagne, moi, c'est là-bas, là, vraiment, ça est règle de choix, hein. Organise au Colombe, bongo, yo, frère. Contrôlez votre bouche. Sachez quoi dire parce que de là dépend votre force et votre supériorité. Je sais qu'il y a des gens qui sont vos précieux secrets, beaucoup c'est bandika mimitwana. Et bandakana manzaka makolo tina sous le moutou. Donc à quoi ma secret, il faut qu'un caloba. Il faut qu'un caloba. Bon Dieu. Batu aboye bamagabon affronté. Quand vous avez des combats, voyez, si vous avez un repos, à qui na vacances na village. Si nous accompagnons, c'est le nom. Oh mon Dieu. Mais voilà les vraies stratégies. Et les Israélites sont les croyants en Dieu. Vous aimez ça? Oh mes amis. Maintenant, il dit, la, verset 9, la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fit pour elle comme un fils. Elle l'adopta. Elle lui donna le nom de Moïse. Car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Le nom de Moïse ne venait pas d'Amram, son père, ni de Jochebed, sa mère, mais ça venait de la fille de Pharaon, et il a reçu ce nom à l'âge adulte. Moi, na akolaki, paye a kendaki na ye, paye na mona moi si na falo, paye a komaki moi na na ye, ye a bien gati kombo na ye, mon sempe alobachete mpwete, na longola ki na mai, na kombo oye na mon se utaki. Na amalama to na Jacobé de maman na yete to amalama tata na yete zokande zali mwana mwasi na falo nde apesa kiye kombo wana mosa sile kokoma mokolo. Remarquez ça, nous avons quand même une histoire familiale de Moïse. Ah to zali na lisolo ba beti ya libota de sa naissance à sa croissance ndenga bota mina ndenga koli jusqu'à l'âge adulte, n'est-ce pas? Ndenga kola ki, mais pour Eli il y a rien de tel. Kasi pona Eli ya balobele elo ko mokolo. Donc Moïse était effectivement un humain. Et son histoire est ici clairement établie. Et nous avons dit quand même pour Élie, bien qu'on ne connaisse pas l'histoire de sa naissance, ni le lieu de sa naissance, ni son histoire familiale, ni ses frères et sœurs, ni sa mère et son père, ni rien du tout. Tout ce qu'on mentionne, c'est son ministère. Mais néanmoins, il était un homme de Dieu, et dans sa bouche, la parole de Dieu était vérité. Néanmoins, il était un homme de la même nature que vous et moi. Et le témoignage indiscutable de ses écritures. Il était effectivement un homme. Moïse aussi était effectivement un homme. Qui a connu une naissance sur terre. Et qui a connu une croissance. Qui était devenu adulte et dont certains actes sont rapportés ici dans Actes chapitre 7. Il est écrit ceci. Actes chapitre 7. Si nous prenons le verset 35. C'est Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. Nous avançons jusqu'au verset 38. Disons, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit au fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Et celui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçu les oracles vivants pour nous les donner. Vous avez là quelques faits relatifs au ministère de Moïse. Il était donc un homme, mais un homme de Dieu. Un serviteur du Seigneur, confirmé et établi par lui. Il a eu un parcours sur terre, une histoire familiale, une histoire à la maison royale, impériale, mais aussi un parcours ministériel. À la fin de ce ministère, c'est là que nous avons lu dans Deutéronome chapitre 34, ce qui nous est clairement écrit à son sujet. Après avoir achevé sa mission, nous lisons ceci. Deutéronome 34, verset 1 d'abord. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisgah, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je te le donnerai, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Yahweh, alors ben qui est Oyo, zali mokili, oyo, na simbala ki abalaya mampe Isaac, mampe Jacob, ondai ete, na kopesa yango, na banana yo. Na tiki yo, kotala yango, na miso na yo kasi, okokota, na mboku na ki. Moïse, serviteur de l'Éternel, voilà, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'entra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse a vraiment vécu. Il était né sur terre, il a grandi ici-bas, il a affronté les épreuves, il a combattu les injustices, et Dieu l'a utilisé comme libérateur pour amener le peuple d'Israël hors d'Égypte. Moïse a botama ki awana mokili, a kolaki, a telemaki, a bundaki, a telemeri pensa kosanga boyenge bene. Nzambe a salela ki ye kino ete, a dimisa bana na isalele kuna na mboka na Égypte. Et à la fin de son ministère sur terre, il est mort, comme indiqué ici. Et Dieu lui-même l'a enterré pendant qu'il n'était que seul avec lui. Vrai ou faux? C'est pas la Bible, il a amené sur la montagne le mont Nebo. Voyez-vous là-bas, dans les plaines de Moab, le mont Nebo, en face de Jéricho. Il fait voir tout le pays, toutes les limites. Et puis il dit, c'est là le pays que j'ai juré à Abraham, Isaac, Israël, de l'air donné. Hein? Toi tu n'y entreras pas. Et il est mort là-bas, seul devant Dieu, dans les bras de l'Éternel, sans personne pour organiser le deuil. Mais tel que Dieu l'avait amené sur la montagne, là il est parti, il a fait les adieux au peuple. Il leur dit clairement, le Seigneur m'a appelé, c'est déjà la fin de ma vie. Alors Israélites, toutes les tribus, allez, restez en paix, Dieu m'appelle maintenant à la montagne. On ne se reverra plus ici-bas. Quelqu'un peut me crier ou non? Non, mon père! Oh! Ouais, non, mais Dieu l'a décidé. Il est mort. Ils se sont séparés comme ça, vivants. Et quand lui a disparu dans la montagne, ils ont commencé le deuil. Or, lui, continue à vivre un peu là-bas. Devant Dieu et avec Dieu. Mais eux là-bas, comme c'était les adieux, ils ont commencé le deuil de 30 jours. Les enfants d'Israël ont pleuré Moïse pendant 30 jours. Verset 8. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Bon, ils n'ont épousé aucune coutume ici. En tant que peuple de Dieu, les chocs étaient grands. Ils ont pleuré leur conducteur pendant un mois entier. Il y avait la personne pour leur annoncer, bon, maintenant, beaucoup d'amis, et vous dites que Salema, le Pessi, Matondi, Nabaye Banso, Bayaki Kolela, et Longona Bisso, mais le Kola beaucoup d'amis, si les Tomelimo Maï, Matanga, Masili, Bobele, Batualibota, Nebakotika, la Mouamouke, Ponalisolo, le Pessi Bino Matondi, Bongo, Tokutana, Mbala Moussous. Il n'y avait personne qui devait dire ça. Personne n'a mis son sépulcre. Personne ne pouvait coordonner son deuil. Pour dire, voilà les étapes, maintenant on l'a enterré, mis en terre. Il est d'abord à la morgue. Dieu l'a amené là-bas. Il l'a enterré lui seul. Et le peuple a pleuré pendant 30 jours. Quelqu'un pouvait espérer. Oh, j'ai pas espéré. Il veut voir son whisky sana. Oh, c'est lui! Quelqu'un pouvait raconter une théorie fanatique comme ça. Mais rien n'était passé de faire. Dieu a retiré son serviteur. Mais il est resté un grand. Là en Israël. Voyez là? Verset 6 et 7. Et l'Éternel l'entrera dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis des bêtes payeurs. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Il n'a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Verset 10 à 12. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoyait faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Incomparable. N'ayant moins ce grand témoin de Dieu, ce grand homme de Dieu mourut là, et Dieu l'enterra lui-même, et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour, même pas moi. Mais maintenant dans la question c'est, bon, mais son corps, il est dit que son corps a été disputé avec un ange du Seigneur. Et ça tout. Namutuna likambo tuna mina kolobete sika mususu wana balobi ete nzoto na ye mwanjelu mpolo mpolo na mwanjelu mikayela bawele la kisoto. Nous avons lu effectivement dans Jude 1 verset 9 que même l'archange Michael, Michael qui est mentionné nommément, lorsqu'il s'est disputé le tour de Moïse avec Satan, il n'a pas maudit, il n'a pas injurié, mais il a juste dit que l'Éternel te réprime Satan. Alors, comment lier les deux là? Comment lier les deux phénomènes? Voyez frère, or, dans Daniel chapitre 12, lorsqu'on fait mention de Michael, Daniel 12 verset 1 et 2, nous voyons une indication prophétique. En ce temps-là, s'élevera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Il est le défenseur des enfants du peuple d'Israël. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il y en a eu. Il y en a point eu des semblables depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Verset 2 surtout. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voilà la situation ici de Moïse. Vous dites, oh, mais on n'a pas parlé de Moïse ici, on parle de Michael. Oui. Michael est mentionné comme défenseur des enfants du peuple d'Israël. Et quand il va se lever ici pour cette promesse à venir, quand il se levera là, plusieurs des Israélites qui sont endormis, qui ont été enterrés, ressusciteront. Michael a un rôle à jouer dans la résurrection des Israélites. Et voici en avant première Moïse mort, entré. Mais Dieu voulait les ressusciter. Le même Dieu qui l'a enterré. Parce qu'il a voulu faire de lui un témoin de Dieu même dans le lila. Et c'est là que le diable surgit. Lui qui tenait à cette époque les clés de la mort et des séjours de mort. Et lui qui savait que Moïse est mort dans des conditions de désobéissance. Il avait commis un péché face à Dieu. Et qu'il ne devait pas lui prétendre avoir tous les droits, tous les privilèges de serviteurs de Dieu. Là qui s'appelait avait des arguments. Alors Michael s'est levé. Le même qui avait affronté le diable au ciel. Le même surgit encore parce que le diable s'opposait à la résurrection de Moïse. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Le diable est intervenu, mais Michael aussi s'est levé. En tant que défenseur des enfants d'Israël. En tant que celui qui avait vaincu Satan, depuis le ciel là-bas, quand il y avait la grande bataille qui avait commencé là-bas. Imaginez la réaction de Satan quand il a revu le visage de Michael. Il pouvait se souvenir de la défaite historique connue là au ciel. Alors il pouvait dire, mais tu me suis jusqu'ici, pourquoi? C'est parce que tu veux intervenir sur l'un des miens. C'est vrai que tu tiens les clés de la mort de ce jour de mort. C'est vrai que ça n'est jamais, c'est toi qui commences à gérer les choses ici. Mais Moïse est un cas spécial. Moïse n'est pas confondu avec tout le monde. Il est un particulier. Dieu l'avait envoyé sur terre pour un destin. Alors ici, attention. Si tu veux, attention ici. Satan, attention. Satan a dit. Oh, tu fais métal. Ça, c'est la propriété de Dieu. Oh, je connais la famille de péché. D'ailleurs, Dieu s'était fâché. J'étais présent quand il s'est battu contre moi. Tais-toi, Satan. Ici, c'est la peur de Dieu. Lâche prise. Putain. Il doit récupérer Moïse. Moïse devait ressusciter. Vous aimez Dieu? Sa manière de faire est merveilleuse. Oh, confiez-vous en lui, même dans l'au-delà, il ne vous abandonnera pas. Il combattra pour votre cause. Vrai. Moi, j'aime tellement ça. C'est tellement vrai. Oh, Dieu est tellement bon. Regardez ce que dit Frère Branham ici. Dans qui est ce Melchisedec? Rachel, le 21 février 1965. Paragraphe 89, première partie. Il y avait un homme appelé Moïse. Et vous savez tous qu'un prophète est appelé dans la Bible un aigle. Mais donc Moïse, cet homme appelé Moïse, était un aigle. Il y avait un prophète appelé Moïse. Un jour, Dieu l'appela. Il ne voulait pas le laisser entrer dans le pays. Et il mourut sur un rocher. Les anges l'emportèrent et l'ensevelirent. Voilà la jonction entre la Bible écrite et la parole révélée. Dieu l'enterra. N'est-ce pas? Et personne n'a connu jusqu'à ce jour son sépulcre. Mais on voit dans Jude l'intervention de Michaël. Qui n'est pas Dieu. Dans la gestion du corps de Moïse. Alors le prophète vous dit, ce sont les anges de Dieu qui l'emportèrent et l'ensevelirent. Il y eut un autre homme, un aigle, qui n'est même pas besoin de mourir. Il traversa simplement le Jourdain et Dieu fit descendre un char et il quitta sa robe de chair et s'éleva. Et gagna le prix éternel. Et Frère Nam dit, 800 ans plus tard, 800 ans plus tard, sur la montagne de la transfiguration, se tenaient ces deux hommes. Amen, amen. Encore 800 ans. Pour Moïse hier, 800 ans. Pour Élie, 800 ans. Est-ce que les deux ont vécu dans la même génération? Non. Voilà, c'est ça que je vous ai dit, le délai de 800 ans, c'est une manière de parler générale. Mais Élie a vécu longtemps après Moïse, vous le savez. Mais au moment où on veut dire Moïse s'est présenté à la montagne des transfigurations 800 ans plus tard, Élie aussi, 800 ans après son enlèvement, il était sur la montagne. 800 ans comme s'ils ont vécu ensemble dans la même période de temps. Non, c'était pas ça. Donc ça c'est un langage pour montrer qu'il y avait des centaines d'années auparavant que cela se sont passés. Ah, moi, ça collait avec Kotali, ça était, ça là, nan, boum, kama mwambe, zokande, na koloban, kama mwambe, et ça n'a pas le lenga, kola, qui s'en mobilité, et ça qui n'a pas mis boue, et si là, de collègues, mingi poète, mosse, ayakadi bosso, et li a ende, na smamingi collègues, la chèze, n'a pas le colobelandengue, maman, il s'abaki, maman, il s'en a mis balé, colo, mangomba, ya kobonga. Alors, il revient à Moïse. Le corps de Moïse était pourri depuis des centaines d'années. Mais il avait là une forme telle que Pierre sur la montagne de transfiguration. Jacques et Jean les reconnurent. Un corps enterré est censé pourrir. Mais un corps que Dieu ressuscite perd les traces de la pourriture. Et quand vous le considérez pendant le moment où il était dans l'enterrement, vous dites, il a pourri. Mais quand vous le considérez après sa résurrection, ce n'est pas un corps pourri, mais c'est un corps immortel. Tout dépend de l'angle sous lequel vous vous placez. Le corps de Moïse était pourri depuis des années, des centaines d'années, mais il avait là une forme telle que même Pierre, Jacques et Jean l'ont reconnu. Amen. Si cette tente où nous habitons sur la terre détruite, si vous êtes un attribut de Dieu exprimé ici sur la terre, vous avez un corps qui vous attend lorsque vous quittez ce monde ici. Vous voyez, et il s'est tenu là sur la montagne de la transfiguration. Vivez dans l'air. Théophanie. Moïse et Élie. Les deux qui avaient vécu sur terre. Les deux oliviers, les deux témoins, les deux rois de l'éternel. Ils se tenaient là sur la montagne de transfiguration. Dans l'air théophanie. Quand ils étaient des prophètes à qui la parole était venue. Vous aimez les choses de Dieu? Voilà comment ils se sont retrouvés sur la montagne de transfiguration. Et alors, si nous prenons un autre angle, toujours en accord avec ce qui s'est passé sur cette montagne, vous lisez dans Marc au chapitre 9, verset 4, quand les trois témoins, Pierre, Jacques et Jean, les ont vus, des humains qui étaient des humains comme nous, mais devenus capables d'apparaître à d'autres humains et de disparaître aussi au regard d'autres humains. Je peux-t-il le faire? Croyez-vous ça pour vous-même et pour l'église de nation? Il nous donnera des corps pareils. Je vous ai dit que Moïse est avec... Je vous ai démontré ce soir que Moïse était un humain qui avait un père humain. Une histoire familiale, une histoire royale, une histoire ministérielle, tout est montré. Et jusqu'à sa mort. Maintenant, écoutez, sur la montagne de transfiguration, cet homme qui avait vécu comme nous ici, il dit, Marc 9, verset 4, Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Quand ils étaient vivants sur la terre, sous le soleil, ils n'apparaissaient à personne. Mais ils vivent avec nous. Quand ils se déplacent, nous sommes avec eux. Quand ils montent, nous montons. Ils descendent, on descend. Ils n'apparaissaient pas, ils disparaissaient pas. Mais après la mort de Moïse, et après l'enlèvement de lui, tous ceux qui avaient été déchirés sur cette terre, des hommes de la même nature que nous. Voilà ce que Dieu les a rendus capables de devenir. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Et après cela, nous voyons au verset 8, aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Donc les deux qui étaient apparus d'abord, ici, ont disparu au verset 8. Apparaître et disparaître. Et ils ne sont plus jamais réapparus. Pourtant, c'était des hommes de la même nature que vous et moi. Il y avait eu un parcours de vie sur terre ici. Mais qui ont servi Dieu fidèlement. Et que Dieu a honoré dans l'au-delà. Nous vous encourageons à servir Dieu fidèlement. Obéissons à la parole, il y a de grands avantages. Attachons-nous à Dieu, il y a beaucoup de privilèges. Ici-bas et même dans l'au-delà. Écoutez ce que dit Frère Branham. Dans les questions-réponses sur le troisième partie, 16 octobre 1957. Le paragraphe 720. Il dit, en effet, jamais Moïse n'était absent. Il dit, non, son corps n'a pas été emporté par les forces des ténèbres, hein, ou tenu sous la domination du diable. Il est passé là comme une transition. Les anges l'avaient amené. Ils l'ont asséveli, mais puis ils l'ont amené. Autant marqué par Dieu seul, qui gérait le secret de Moïse. Les anges l'avaient amené. Écoutez maintenant. Il n'a pas été allongé. Viens pour la quitter. Le même corps qui est donné, il était mort, il avait pourri depuis des centaines d'années. Quand vous allez dans l'autre angle de la résurrection, mais sans résurrection, vous considérez que la pourriture n'existe plus. Écoutez, il n'a pas été rangé Moïse. Il n'a pas été corrompu. Il était un type parfait de Christ. Il mourut. Et les anges l'amenaient. Et même le diable, waouh, même le diable ne sait pas où il a été enterré. Et il a essayé de se disputer avec l'archange Michael au sujet de son enterrement. C'est ce que la Bible dit, mais Dieu le prit dans l'enlèvement. Qui saisit le mystère? Voyez bien aimé, ça passe comme ça. Le diable est venu se disputer là-bas, revendiquer des droits d'accusation. Vous devez garantir ces droits d'accusateur. Michaël est intervenu parce que ce corps mort devait revenir à la vie. Il était un triple de Christ. Amen. Et donc sa résurrection n'a pas eu lieu à la montagne de transfiguration. La résurrection de Moïse a eu lieu dans le secret de Dieu avant l'époque de la montagne de transfiguration. Dans Zacharie chapitre 4, il est clairement dit ce qu'il en était de ces deux oliviers là. Reprenons ça. Zacharie 4. Nous allons finir bientôt, Dieu aidant. Oh, juste pour boucler cette pensée et ne pas en faire un deuxième sermon kilométrique encore. Zacharie 4, verset 1 à 3. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, et portant cette lampe, avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Verset 4. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, que signifie ces choses, mon Seigneur? Ah, là, c'est la signification des oliviers, du chandelier. Et l'or qui est représenté là-bas, les sept conduits. Alors, je saute un peu, je veux maintenant au verset 11 à 14. J'ai pris la parole et je lui dis, Que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Ces deux oliviers. Bongo, et j'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près de deux conduits d'or, d'où découle l'or? Et il me répondit, ne sais-tu pas ce que signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux rois qui se tiennent au temps présent devant le Seigneur de toute la terre. Ce sont les deux rois, pas qui se tiendront, mais qui se tiennent en permanence. Au temps de Zacharie. Et pour que Zacharie accède à cette vérité cachée, il a fallu qu'il insiste par sa question. C'est un secret. Vous voyez, vous devez bien gérer les secrets de votre langue. Dieu lui-même nous apprend à gérer les secrets de mystère. Ne soyons pas des indiscrets. Le secret est un pouvoir. Je l'ai dit et je le répète. Vous voyez ici, Zacharie a dit répéter la question. Demande d'abord, c'est quoi les deux oliviers? L'ange s'éteint. Il reprend encore la parole. C'est quoi les deux rameaux d'olivier là que je vois? L'un à gauche, l'autre à droite. Et l'ange lui répond d'abord encore par une question. Ne laissez-tu pas? Ne laissez pas ce secret? Tu es un prophète. Ne laissez-tu pas? Qu'un autre prophète comme toi avait précédé, Élie avait vécu, Moïse avait vécu. Ne laissais-tu pas? Mais tu es un prophète. Tu es avec la question. Mais tu es un prophète, tu dois accéder à ce décret. Là, je lui demande, ne laissais-tu pas? Il dit, non mon Seigneur. Ah, il dit, comme tu ne laissais pas, mais que tu es un prophète, je te révèle les secrets réservés aux prophètes. La nourriture des aigles. Ce sont les deux rois qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Mais il n'a pas dévoilé leur nom. Il a juste mentionné deux rois. Or, un roi, c'est une personne qui a reçu l'onction. Or, Moïse et Élie étaient deux hommes qui avaient reçu l'onction de Dieu sur terre. Alléluia. Une onction si spéciale, elle a été identifiée à leur nom. Souvenez-vous, quand Dieu devait rendre les 70 anciens en Israël, l'onction de son esprit était celle qui reposait sur Moïse. Et il dit, je vais prendre de mon esprit qu'il y a sur toi pour le leur donner. Amen. Nzambe alobete na mikolo ya mabota ngoti kusamu na kozuo ndabo ya molimu weza likolo na yuwa na pakula bambu. L'onction qui était sur Moïse. Et pas quoi, mais pourquoi Dieu ne pouvait pas prendre son propre esprit à les donner? Il devait passer par Moïse parce qu'il était d'un rang spécial. Dieu est souverain, il fait de chacun de nous ce qu'il veut. Dans son royaume, il n'y a pas besoin de jalousie et de compétition. Nous devons nous reconnaître et nous respecter. Et au sujet d'Élie, l'esprit d'Élie devait revenir en double portion sur Élisée. L'esprit d'Élie, c'était l'esprit de Dieu, non? Pourquoi Dieu devait passer conditionné par le nom d'Élie? Parce qu'il était des rangs spéciaux. Il dit, je prendrai de ton esprit, je le déverserai là. Et plus tard, Dieu dit, Jean-Baptiste marchera dans l'esprit et la puissance d'Élie. C'est lui qui décide, lui Dieu. Pour lui dire, mais je vais lui donner seulement mon esprit. Non. Esprit et puissance d'Élie. Et il a mentionné auparavant que cet enfant sera rempli du Saint-Esprit de le ventre de sa mère. Mais quand l'enfant naît, il dit, il marchera, il deviendra grand, marchera devant Dieu dans la puissance et l'Esprit d'Élie. Ah! Parce qu'Élie était un homme d'une onction spéciale. Devenu recyclable sur les autres serviteurs. Dieu est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Alors qu'est-ce que Moïse là-bas sur la montagne représentait? J'aimerais prendre une déclaration ici. Dans sur le lever du soleil. Le 18 avril 1965, et aussi la prédication Apocalypse chapitre 4, pour vous qui notez, notamment une fois, de le lever du soleil, ou aussi intitulé La puissance vivifiante, le 18 avril 1965. Et puis Apocalypse chapitre 4, prédication Apocalypse chapitre 4 du 31 décembre 1960. Paragraphe 138 à 140. Alors, je commence par le lever du soleil, le paragraphe 315. Maintenant, considérez la transfiguration. Nous étions tous représentés là. Dans l'apparition d'Élie et de Moïse là, nous étions tous représentés là. Il y avait les saints vivants qui avaient été enlevés. Élie le représentait. Il y avait Élie qui se tenait là. Et là aussi se tenait Moïse. Les saints morts. Tous deux avaient aussi reçu la puissance vivifiante. Alors, que ce soit celui qui était mort, que ce soit celui qui n'était pas mort, tous étaient là. Est-ce que vous réalisez? Élie représentait les vivants qui n'étaient pas passés par la mort, mais que Dieu avait pris dans l'enlèvement. Mais Moïse représentait ceux qui avaient été vivants et qui sont passés par la mort, mais que Dieu devra ressusciter. Moi, c'est Abanda qui retient ça. Oyo, basa qui n'a pas monté, balé qui n'a loué. Oyo, nzambe, Seigneur qui est. Pour l'Église de notre temps, les deux promesses sont valables. Il y a des vivants qui sont vivants parmi nous et qui ne passeront pas par la mort, mais que Dieu enlèvera. Mais il y a des vivants, même quand certains sont déjà morts et d'autres mourront parmi nous ici, mais que Dieu ressuscitera pour aller dans l'enlèvement. Et Moïse qui est dans l'au-delà, il est le représentant de tous ceux-là qui meurent et qui reviendront à la vie. Ceux-là qui meurent en Christ et qui resteront d'entre les morts avant d'être enlevés au ciel. Notre témoin dans l'au-delà, c'est Moïse. Je le veux pour témoin et je le sais qu'il est témoin. Cette promesse réussira. Même si tu meurs aujourd'hui, ne crains rien. Il y a Moïse qui est déjà là-bas. Toi aussi, tu finiras là où il est allé. Après ta mort, tu reviendras à la vie. Ton représentant était là sur la montagne de transfiguration. Dans le cadre de la préfiguration de la venue du Seigneur. Alors, lisons dans Apocalypse chapitre 4. Et paragraphe 138 à 140, comme j'ai dit. Là-haut sur cette montagne, ils virent sa venue, ou en tout cas son avant-première. Que veut dire la première? Moïse il représente les saints morts qui ressusciteraient. Dans la préfiguration de la venue du Seigneur que nous attendons. La venue du Seigneur comme un voleur. Pour enlever l'église. C'était représenté sur la montagne de transfiguration. Qu'est-ce qu'ils ont vu en premier là-bas? Moïse. Moïse. Il représente les saints morts qui ressusciteraient premièrement d'ailleurs. Élie se tenait là, lui aussi. Oh, je veux que vous remarquiez ce qui va se passer. Il y eut premièrement Moïse. Ce sont les six premiers âges. Ceux durant lesquels l'Église s'est endormie, six âges de l'Église. D'ailleurs, il n'était pas seul. Mais Élie aussi était là. C'était le messager du dernier jour avec son groupe. C'était la transfiguration de ceux qui allaient être enlevés. Amen. Maintenant, nous attendons sa venue dans le futur. Nous ne disons pas qu'il est déjà venu. Maintenant, nous attendons sa venue dans le futur. Et quand ça se fera dans le futur, là, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants seront transformés. Et ensemble, nous irons au ciel. Qui dit amen à la promesse, mais c'est la chose pour laquelle nous nous battons. Ils n'étaient pas tous réunis avec lui. Oh non. Quand Jésus est monté là-bas, donc il y a eu des représentants. Ce n'est pas tous les disciples qui sont montés à la montagne. Oh non. De quoi s'agissait-il? La promesse envers Pierre, Jacques et Jean était accomplie. Vrai. Il avait dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et ils virent l'avant-première de sa venue. Un avant-goût. Comment les choses se passent faire? Selon 1 Samuel 4, quand le Seigneur descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons chargés. Et à la fin, tous ensemble sur les nuées, enlevés au ciel. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Chers amis, nous avons un témoin dans l'au-delà. Nous les mortels ici, nous qui passons par la mort, nous avons un témoin dans l'au-delà. Moïse était l'un de nous. Quand bien même le diable a voulu disputer le corps, Michaël est intervenu et la victoire est du côté du Seigneur. Moïse ressuscitait effectivement. Que le diable vous combatte sous le soleil ou dans l'au-delà, votre guide interviendra. Dieu vous défendra. Confiez-lui toute votre vie. Comptez sur lui du plus fort de votre cœur. Tout le reste de votre vie. Comptez vraiment sur lui. Il y a beaucoup d'avantages à son service. Il y a beaucoup de privilèges dans sa maison. N'oubliez pas ça. Il est le Dieu de votre vie. Tenons-nous debout pour la prière. Quel bonheur de marcher avec lui, Seigneur. Quel bonheur de marcher avec lui. Mon Dieu, il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui, mon Seigneur, quel bonheur marcher avec lui. Agneau, il conduira tous les pas de mon voyage et ses bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Amen. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Jésus est le bon berger, je ne crains aucun danger. Gabouya, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Jésus est le bon berger, je ne crains aucun danger. Si. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, alléluia, Jésus m'est guéri. Alléluia, Jésus m'est guéri. Amen. Il guérit parfaitement, mais libère entièrement. Alléluia, Jésus m'est guéri. Alléluia, alléluia, tu m'es guéri. Alléluia, Jésus m'est guéri. Amen. Il guérit parfaitement, mais libère entièrement. Ah, alléluia, Jésus m'est guéri. Il me bat, il me baptise de son esprit. Amen. Il me baptise de son esprit. Il me rend tellement heureux en me baptisant de feu. Il me baptise de son esprit. Il me bat. Il me baptise de son esprit. Il me baptise de son esprit. Il me rend tellement heureux en me baptisant de feu. Il me baptise de son esprit. Alléluia, alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Bientôt Jésus reviendra. Bientôt Jésus reviendra. Dans son règne il me prendra. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Bientôt Jésus reviendra, dans son règne il me prendra. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Prions chacun. Parle à ce Dieu de ta vie. Et coordonne les événements de ta vie et fera concourir toutes choses à ton bien. Il te conduira même à la résurrection d'entre les morts, parce que Moïse est là comme témoin dans l'au-delà. Il a vécu ici, il est mort comme coupable, mais la grâce de Dieu est intervenue pour racheter son corps. Ressusciter et le prendre dans l'enlèvement. Et il se tient devant le Seigneur de toute la terre maintenant. D'année en année, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. Immortel là dans l'au-delà. Un jour il sera immortel ici-bas encore. Mon Kiliangaïté, Azalé, mon Léké. Konana le kolon, nazale na bozi, banje ba biangi ngai, otana le kolon, Dieu bien-aimé, notre Père céleste, nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Quand nous pensons à la vie sacrée qu'ont mené ces deux conducteurs spirituels, la vie d'obéissance et de service de ces deux serviteurs auxquels tu as donné un rang spécial parmi les humaines créatures, Moïse et Élie, nous voyons que nous aussi, nous sommes encouragés à faire ce que nous pouvons, parce que tu veux que nous soyons pour être agréables à Dieu jusqu'à la fin du voyage. Comme nous avons été exhortés à considérer les conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu et quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Donne-nous une foi comme celle de Moïse. Donne-nous une foi comme celle d'Élie. Et qu'à la fin, les deux débouchés se réalisent, l'enlèvement. Tous les deux ont été enlevés. L'un fut enlevé sans passer par la mort, parce que ton pouvoir peut le réaliser. Et dans cet âge, tu l'as promis, laisse-nous croire ça de tout cœur, que tu enlèveras des gens de cette terre sans passer par la mort. Mais Moïse, avec eux, d'une vie dans laquelle on a retrouvé des reproches, mais ta grâce a été là. Tu en avais fait prédicateur de la loi, mais lui-même était irréprochable. Il était beau de caractère parce qu'il a choisi la conduite du Saint-Esprit et qu'il s'est battu contre les justices et tu l'as rendu vainqueur pendant sa vie. Et à la fin, malgré ses fautes, ses erreurs, tu l'as recueilli dans ton royaume et tu as actionné Michaël pour aller défendre son corps. Et ce corps a été récupéré dans la résurrection et dans l'enlèvement. Oh, quel mystère! Tu es capable d'agir même dans l'au-delà. Quand nous marchons dans la vallée et l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Car tu seras avec nous, Seigneur. Oins la foi de chacun de nous, comme fut le cas de ces deux oins qui avaient reçu une onction spéciale de ta part, mais qui les deux étaient le type de Christ. Que ton nom soit béni. Laisse que chacun médite encore ceci et que ça puisse influencer ce week-end pour que nous puissions mieux te servir, t'offrir mieux que ce que nous avons fait. Ce soir, le culte a commencé avec grand retard. Et voilà, termine avec grand retard encore. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, que chacun respecte les œuvres de Christ. Nous comptons sur toi. Malgré les impératifs de Kinshasa, les réalités de cette ville aux multiples réalités, aide chacun de nous. C'est la seule église que tu nous as donnée. Nous ne voulons pas la négliger, ni la tuer par nos comportements, par notre négligence, mais nous voulons faire du mieux que nous pouvons chacun pour qu'elle soit debout, agréable à Dieu, à travers le comportement, le caractère de chacun de ses membres. Secours-nous à ce point, visite-nous dans nos maisons et que nos cœurs soient remplis du Saint-Esprit lorsque notre obéissance te plaira. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu soit loué.